Marie-Laure arrive avec son bateau. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas à l'école? Ça va pas, c'est mercredi aujourd'hui. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Justement, maman te cherchait. Elle n'est pas au bureau? Mais non, elle était à la maison et elle te cherchait. Mais qu'est-ce qu'elle voulait? Ça, je ne sais pas. Mystère et boule de gomme. Bon, je vais voir. C'est ça, va voir. Et toi, où tu vas? Ben moi, je vais faire de la voile et je vais essayer le nouveau bateau de Tonton Guillaume. Bon, vous m'attendez, je reviens tout de suite. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu n'es pas à l'école? Tu n'es pas à l'école? Non, mais ça va pas, non? C'est mercredi. C'est mercredi. C'est mercredi. C'est mercredi aujourd'hui. C'est mercredi aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Marie-Laure n'est pas à l'école aujourd'hui? Parce que c'est mercredi. Justement, maman te cherchait. Maman te cherchait. Justement, maman te cherchait. Justement, maman te cherchait. Elle n'est pas au bureau? Au bureau? Elle n'est pas au bureau? Elle n'est pas au bureau? Non, elle était à la maison. Elle était à la maison. À la maison. Non, elle était à la maison. Normalement, où doit être Madame Bello à cette heure-ci? Au bureau. D'après Marie-Laure, où est Madame Bello? À la maison. Je vais essayer le nouveau bateau de Tonton Guillaume. Je vais essayer le nouveau bateau de Tonton Guillaume. Je vais essayer le nouveau bateau. Je vais essayer le nouveau bateau de Tonton Guillaume. Qu'est-ce que Marie-Laure va essayer? Le nouveau bateau de Tonton Guillaume. Mireille s'en va, laissant Robert et Marie-Laure. Vous êtes cette petite amie Mireille? Vous êtes anglais? Pourquoi j'ai l'air anglais? Non. Alors, qu'est-ce que je suis? Japonais? Espagnol? Italien? Américain. Comment t'appelles-tu? Marie-Laure. Et vous? Vous vous appelez comment? Robert. Vous la trouvez bien, Michel? Vous êtes anglais? Vous êtes anglais? Pourquoi? J'ai l'air anglais? J'ai l'air anglais? J'ai l'air anglais? Alors, qu'est-ce que je suis? Alors, qu'est-ce que je suis? Alors, qu'est-ce que je suis? Américain. Américain. Qu'est-ce que Marie-Laure devine la nationalité de Robert? Oui, elle devine qu'il est américain. Vous la trouvez bien, ma sœur? Vous la trouvez bien, ma sœur?